y a 7 ans, le tsunami provoqué par un séisme au large des côtes japonaises conduisait à la seconde catastrophe nucléaire civile, la plus importante de l'humanité, celle de la centrale de Fukushima. 7 ans après, que se passe-t-il? Que sait-on de l'ampleur des répercussions environnementales? Sur la flore, sur la faune, sur l'état d'irradiation de la zone d'exclusion? 32 ans après l'autre catastrophe majeure, qu'est-ce que Tchernobyl nous aura enseigné? Ces écosystèmes pourront-ils un jour retrouver un équilibre similaire à ce qu'il était avant ces catastrophes? Et comment faire pour aider à la décontamination? Nucléaire, y a-t-il une vie après la catastrophe? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions liées à la décontamination et au cycle de vie de ces isotopes nucléaires relâchés dans la nature, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici à la Maison de la Radio à Paris, Olivier Hérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au commissariat à l'énergie atomique au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement dans l'équipe de géochimie des impacts. Et nous sommes en duplex depuis les studios de Radio France à Marseille avec Christelle Adam-Guillermin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse et responsable du laboratoire d'écotoxicologie des radionucléides à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous pouvez nous suivre, eh bien, comme chaque jour, en direct sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter en complément en vous abonnant au compte @laméthodefc. Deux centrales nucléaires ont connu des incidents graves, avec notamment une explosion à Fukushima, je vous le disais. Dans cette région, la population a dû être évacuée dans un rayon de 10 puis de 20 km autour de la centrale. Bernard Lebrun. Il était 16 heures aujourd'hui au Japon, 8 heures en France, quand soudain, une caméra automatique de surveillance sans son enregistre cette incroyable image. Une explosion dans le premier des bâtiments réacteurs de la centrale nucléaire numéro 1 de Fukushima. Fukushima, où sont installées deux centrales nucléaires, se trouve au nord de Tokyo, près de la ville de Sendai, zone de l'épicentre du tremblement de terre d'hier et du tsunami. Le premier ministre japonais, en visite ce matin dans cette région nord très sinistrée, a confirmé l'existence de cette explosion, ainsi que celle, je cite, d'une légère fuite radioactive. Lors de cette réunion, il a affirmé que ce n'était pas le réacteur lui-même qui avait explosé, mais que l'explosion proviendrait du dégagement d'un gaz d'hydrogène. À Tokyo, au siège du groupe électrique TEPCO qui exploite la centrale, les dirigeants, au visage grave, ont confirmé que 4 personnes ont été hospitalisées et que le périmètre de sécurité interdit aux habitants était élargi de 10 à 20 km autour du site. Ce grave incident nucléaire inquiète tous les pays voisins, bien que pour l'instant, les Russes des îles Kouriles, les plus proches du Japon, n'aient pas détecté de nuages radioactifs. Voilà, c'est il y a tout juste un peu plus de 7 ans, hein, le 12 avril 2011. On parle de grave accident nucléaire, mais de légère fuite radioactive. Il faudra attendre quelques jours, voire quelques semaines, avant d'avoir bien une notion précise de cet accident nucléaire dans la centrale de Fukushima. On va remonter encore un tout petit peu le fil du temps, jusqu'à il y a 32 ans. Cette fois-ci, c'était fin avril en 1986. Accident maximum. Il semble en tout cas qu'une fuite importante de produits radioactifs ait eu lieu. Cette pollution a été transportée sous forme de vapeur d'eau par les nuages jusqu'en Scandinavie. C'est en Finlande que l'on a eu, en premier, mesuré une augmentation sensible de la radioactivité, 5 fois supérieure à la normale. Les scientifiques scandinaves ont même enregistré des traces de cobalt, ce qui leur fait penser que le siège de la fuite radioactive pourrait aussi avoir une origine militaire. Sur le plan météo, si les nuages se sont dirigés au début vers le nord-ouest, ils semblent maintenant tourner au sud avec un risque pour toute l'Europe centrale. Voilà, Tchernobyl en avril 1986, Fukushima en avril 2011, les deux accidents nucléaires civils les plus graves qu'ait connu l'humanité, hein, puisqu'ils sont tous les deux et ce sont les deux seuls classés niveau 7 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Ce sont néanmoins deux accidents très différents, à des époques différentes. On entend dans ces archives les différences de communication et la volonté certainement encore un peu plus poussée à l'époque de Tchernobyl de ne pas inquiéter les populations civiles et de minimiser au maximum l'ampleur de ces accidents. Néanmoins, ces accidents sont différents par leur nature. Quels sont, à l'inverse, leurs points communs, Olivier Evrard ? Alors, leur point commun, c'est qu'ils ont conduit à l'émission de radionucléides, donc de substances radioactives dans l'environnement, qui sont déplacées au gré des vents et qui sont déposées surtout lorsqu'il a plu, quand le nuage est passé. Donc ça, c'est vraiment le principal point commun, je pense. Entre ces deux accidents. Christelle Adam-Guillermin, sur ces radionucléides, on sait aujourd'hui lesquels ils sont exactement. Ils sont de la même nature, c'est le même type de processus de fusion ou de fission nucléaire qui s'est déroulé pendant ces accidents. Alors, c'est pas tout à fait la même nature des radionucléides qui ont été émis, puisque dans le cas de Tchernobyl, le cœur du réacteur a explosé. Donc tout le contenu du réacteur a été émis, donc des produits de fission comme les isotopes du césium, mais également des actinides comme le plutonium et puis différents matériaux du réacteur. Tandis que à Fukushima, c'était une émission des radionucléides volatiles. Donc on n'a pas retrouvé en fait d'actinides, mais en commun on a de l'iode 131 et les isotopes du césium qu'on retrouve encore actuellement. Et oui, Olivier Evrard, vous vouliez réagir à ça? Oui, on a quand même trouvé des traces, alors des ultra-traces d'actinides, mais on en a trouvé dans l'environnement. Donc c'est sûr que par rapport à ce qui a été émis par Tchernobyl, il y en a eu beaucoup moins, mais il y en a quand même eu. Quelques-uns. On va voir que les deux événements ont été gérés de façon très différente quant aux travaux principalement de décontamination. Mais il y a encore aujourd'hui des travaux qui sont en cours à Tchernobyl? Olivier Evrard ? Alors, bonne question. Sur Tchernobyl, j'avoue que je ne suis pas... Ou Christelle Adam-Guillermin ? Sur Tchernobyl, il y a encore des travaux qui sont en cours ? Sur les réacteurs. Sur les réacteurs. Sur la décontamination ? Sur les réacteurs et de décontamination, dans les deux sens. Donc, sur les réacteurs, ils ont fait l'année dernière une arche donc, qui a couvert le réacteur en entier, qui est destiné à pouvoir à terme démanteler le cœur du réacteur et faire différents travaux de décontamination. Mais ce n'est pas la même stratégie de décontamination qui a été mise en place à Tchernobyl et Fukushima. À Tchernobyl, à Fukushima, il y a vraiment une stratégie de réappropriation des territoires. Alors qu'à Tchernobyl, la zone a été complètement exclue. Et dans cette zone-là, il y a pas mal de déchets qui devront être gérés. Donc on se dirige vers ça, mais ça prendra plus de temps, certainement. On va voir et on va discuter de la différence de traitement, effectivement, de ces deux accidents et catastrophes nucléaires. Néanmoins, sur Tchernobyl, c'était il y a 32 ans. Et on voit aujourd'hui ressurgir de temps en temps dans des reportages, dans des documentaires, cette zone d'exclusion de Tchernobyl, qui est à de 30 km autour de la centrale. Et on la dépeint un peu comme devenue une zone de retour d'Éden naturel reconstitué. C'est-à-dire que d'un seul coup, on dit, mais regardez, c'est formidable. Maintenant, il y a une nouvelle faune sauvage. La flore sauvage s'est reconstituée. On trouve même des ours bruns ou des lynx. Comment est-ce qu'il faut lire ces reportages et cette espèce d'image d'Éden retrouvé ou reconstitué, Olivier Evrard? Alors, ce que je pense, c'est que effectivement, quand l'homme déserte une zone, eh bien, les organismes biologiques auxquels desquels il va prendre la place, finalement, ils vont la reprendre dès lors que l'homme va partir. Et donc, à Fukushima, par exemple, c'était très clair quand ils ont évacué la zone où les gens ne pouvaient plus vivre. On était assaillis par des singes. Donc il y a vraiment une, toute la faune locale qui reprend vie quand l'homme s'en va. Mais néanmoins, Christelle Adam-Guillermin, cette image d'une zone qui a finalement repris vie, retrouvé une vie tout à fait normale, débarrassée de l'influence néfaste de l'homme, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de la nature de ce nouvel écosystème qui s'est recréé autour de cette centrale de Tchernobyl ? Alors c'est vrai que quand on se promène à Tchernobyl, on voit assez régulièrement des grands mammifères. Il y a deux études qui ont été faites sur l'abondance des grands mammifères et ces deux études sont contradictoires. Il y en a une qui a été faite par Moller et Mousseau qui montre une diminution d'abondance des grands mammifères, tandis que l'autre étude qui a été faite par une équipe anglaise et russe montre qu'il n'y a pas d'effet de la radioactivité sur l'abondance des mammifères et même que les loups seraient cette fois plus abondants dans la zone qu'à l'extérieur. Et après, se pose toute la question de savoir si ces organismes-là ont migré à l'intérieur de la zone, comme disait Olivier, parce que il n'y a plus l'influence de l'homme, donc plus de chasse, plus d'agriculture, etc. Et puis, quel est l'état de santé de ces organismes? Est-ce qu'ils se reproduisent correctement? Est-ce qu'ils ont des mutations, etc. Donc, qui pourraient aussi impacter à terme la dynamique de leur population. On va évidemment étudier ça de très près dans un instant. Pendant ce temps-là, et vous le disiez l'un et l'autre, effectivement, les logiques ne sont pas du tout les mêmes. Au Japon, les autorités s'interrogent dès aujourd'hui, 7 ans, c'est très tôt après la catastrophe, sur le repeuplement d'une partie de la zone d'exclusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui permettent de se rapprocher, peut-être pas évidemment dans une zone très très centrale de quelques kilomètres autour de la centrale de Fukushima, mais qu'il y a des zones qui sont à nouveau habitables, Olivier Evrard. Oui, tout à fait. Elles font plus que s'interroger puisque fin 2013, elles ont commencé à mettre en place une politique de décontamination, donc principalement au niveau des terres cultivées, principalement des rizières, les villages, les bords de route. Et donc ces travaux sont terminés, ou en voie de l'être. Donc depuis le 1er avril 2017, les ordres d'évacuation, donc il y a un an exactement, oui. C'est ça, ont été levés, à l'exception d'une zone qui sera fermée pour une période plus longue. Et donc les gens sont invités à revenir, puisque ces travaux ont été terminés. Christelle Adam-Guillermin, c'est cette politique de repeuplement, de réinvestissement de l'espace, elle est, à votre avis, aujourd'hui, c'est une politique qui est maîtrisée, qui est raisonnée en fonction de ce que l'on sait aujourd'hui de l'état de contamination des radionucléides sur cette première zone d'exclusion autour de la centrale de Fukushima? Absolument, oui. La raison pour justement... permettre aux gens de revenir dans les zones. Donc il y avait différentes typologies de zones, des zones à retour difficiles voire impossibles, où c'était qui étaient caractérisées par une dose d'exposition supérieure à 50 millisieverts par an. Donc là c'était difficile de revenir. Et puis deux autres zones qui étaient classées aussi en fonction des débits de doses qui étaient prévus pour la population, donc inférieurs à 20 millisieverts par an, qui est la dose maximale légale pour le travailleur du nucléaire. Donc en fait, c'est une gradation de ces débits de doses d'exposition des populations qui a permis de définir ces zones-là, et donc après de pouvoir, en apportant des mesures de décontamination, de pouvoir baisser le niveau de débit de doses ambiant et réouvrir ces zones à l'habitation. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les zones qui ont été réouvertes à l'habitation, ce sont des zones qui sont strictement inférieures à 20 millisieverts par an pour les populations locales. Ça a été attesté, on en est sûr. Aujourd'hui, les études le prouvent, elles sont formelles. Christelle Adam-Guillermin. Alors, c'est des mesures qui ont été faites par le gouvernement japonais. Donc, ce sont des choses qui ont été tout à fait calculées. Hein. Mmh. Ouais, et puis, donc là, ils agissent par rapport au débit d'eau émis, justement, on a beaucoup parlé de césium radioactif. Donc, puisque c'est le plus abondant qui a été émis, qui va rester un certain temps, puisqu'il a une demi-vie de 30 ans. Et il se concentre, en fait, il se fixe aux particules de sol. Donc, en fait, il s'est vraiment retrouvé concentré dans les, on estime, 5 cm. Superficielle du sol, des rizières. Après l'accident, la culture de ces rizières était interdite et donc il est bien resté là. Et la principale partie des travaux de décontamination, elle a visé justement à venir décaper la surface des rizières et puis à les stocker dans ce qu'ils appellent des big bags, donc des sacs, et puis entreposer ces sacs dans des centres temporaires en attendant de savoir ce qu'on allait faire de ces matières. Et on va voir que, eh bien, même si on enlève les 5 premiers centimètres du sol, bien tous ces isotopes radioactifs, ils ne disparaissent pas comme ça en claquant des doigts. Et on va voir justement les différents retours d'expérience que l'on peut avoir entre la catastrophe de Tchernobyl et celle de Fukushima. Il y a 129, 34 millions d'années. La méthode scientifique. Plutonium 244, 160 millions d'années. Nicolas Martin. Uranium 238, 9 milliards d'années. Et à 4h15 sur France Culture, vous écoutez La Méthode Scientifique et nous parlons des zones d'exclusion nucléaire après les deux grandes catastrophes de nucléaire civil que l'humanité a connues, celle de Tchernobyl qui a eu lieu il y a 32 ans et celle de Fukushima il y a 7 ans. Les deux ont eu lieu au mois d'avril. Nous en parlons avec Olivier Evrard qui est avec nous ici en studio à la Maison de la Radio à Paris et en duplex depuis Marseille avec Christelle Adam-Guillermin. Peut-être qu'il est intéressant, pour avant d'aller plus loin dans la conversation, vous l'évoquiez à l'instant, Olivier Evrard, on parle du césium-137, de parler des radionucléides qui ont été libérés et qui sont plus ou moins toxiques, de rappeler ce qu'est une demi-vie, de quel type d'éléments radioactifs on parle. Alors la demi-vie, donc, c'est le temps qu'il faut, donc c'est une constante physique, le temps qu'il faut pour que la moitié des atomes se soient désintégrés. Donc là, les principaux radioisotopes qui ont été émis, rapidement après, on l'a retrouvé uniquement juste après l'accident, c'est l'iode-131, qui a une demi-vie de 8 jours. Et qui est très très radioactif. C'est un gaz, il a tendance à se fixer comme tout iode, mais le radioactif agit de la même façon sur la thyroïde. Par contre, il a décru très rapidement. Les césium, on parle beaucoup du césium-137 qui a une demi-vie de 30 ans, mais il a un petit frère qui est le 134 et qui a une demi-vie de 2 ans. Eux, ils ont tendance à se fixer sur les particules de sol et donc à être plus pérennes dans l'environnement. Et il y a d'autres. On parle aussi du strontium-90. Il y a eu du strontium-90. Il y a un petit peu de plutonium aussi. On retrouve pas mal de choses, mais les deux isotopes émis en abondance qu'on retrouve le plus dans l'environnement aujourd'hui, c'est sans aucun doute le césium-134 et le césium-137. Christelle Adam-Guillermin, ces isotopes radioactifs, on en connaît maintenant très bien, effectivement, la demi-vie évidemment, mais la toxicité ou l'influence qu'elle peut avoir sur différents types d'organismes, de cellules, qu'elles soient humaines, vivantes, végétales, animales. Alors, l'effet de la radioactivité, elle se mesure en grès, donc c'est vraiment la quantité d'énergie qui est délivrée par tissu. Et ça, c'est une mesure qui est universelle pour tous les isotopes radioactifs. Alors, on sait, par exemple, après Tchernobyl, on sait qu'il y a eu des doses donc très importantes de radioactivité qui ont été absorbées par les organismes et qui ont mené, en fait, à la mort de tout un tas d'organismes, des arbres, des plantes, des invertébrés, des vertébrés, tout de suite après l'accident. Donc ça a été avéré, il y a plein de publications là-dessus. Un an après l'accident, la vie commençait déjà à reprendre ses droits par tout un tas de mécanismes qu'on étudie encore, l'adaptation des organismes, la défense contre les dommages à l'ADN. Donc ce qui est sûr, c'est que les effets des radiations ionisantes s'expriment en termes de dommages sur l'ADN. Donc en fait, on dit radiation ionisante parce qu'elles vont arracher des électrons aux molécules. Et ces molécules sont notamment l'ADN, ça peut être aussi les lipides ou les protéines. Et donc de ce fait-là, ça va engendrer différents dommages dans les cellules. Donc sur l'ADN, quand il y a une ionisation d'ADN, il peut y avoir des cassures. Et les organismes peuvent réparer ces cassures, mais c'est plus difficile s'il y a beaucoup, beaucoup de cassures. Si elles s'expriment sur les deux brins d'ADN, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile de le réparer parce que il n'y a plus le brin matrice qui permet de reconstituer l'ADN. Et il peut y avoir des conséquences transmissibles au fil des générations. Et puis, en termes de mutations qui vont engendrer, par exemple, des malformations, si ça arrive pendant le développement des organismes. Je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, mais il y a une inégalité devant la ionisation précisément des molécules. Il y a certains organismes, certaines molécules qui sont évidemment plus résistantes aux radiations et à la radioactivité que d'autres, Christelle Adam-Guillermin. Alors, on considère généralement que la cible des radiations ionisantes, c'est l'ADN. Donc, c'est l'ADN qui va être le plus fragile, en fait, dans les cellules. Maintenant, bon, les études ont pas mal avancé. On sait que les protéines aussi peuvent être endommagées, elles peuvent être oxydées. Et donc, si ces protéines sont aussi oxydées, ben, la cellule fonctionne moins bien. Et comme ce sont des protéines qui vont réparer l'ADN, en fait, ça se mord un peu la queue, mais ces différentes molécules sont, enfin, il y a une relation entre ces différentes molécules qui font que finalement toutes sont importantes et leur endommagement doit être pris en considération dans tous les cas. Alors après, d'un organisme à l'autre, en revanche, il y a différents mécanismes de radiosensibilité qui font que les organismes vont être plus ou moins sensibles. Donc on sait qu'il y a 5 ou 6 ordres de grandeur entre l'espèce la plus sensible et celle qui est la moins sensible. Vous avez des exemples, justement, on sait par exemple que des espèces très résistantes dans le monde végétal, comme le bouleau est particulièrement résistant effectivement aux radiations, contrairement au pin. Donc, quand on parle de Tchernobyl, on parle souvent de la forêt rousse. Mmh. Donc, en fait, c'est une zone de forêt qui était impactée directement par l'émission de radioactivité par Tchernobyl. Et cette forêt, elle est dite rousse parce que les pins qui étaient donc sous la plume de la radioactivité ont tous péri. Et donc ils étaient morts, donc ils étaient roux. Et donc tous ces pins ont péri. Et plusieurs années après l'accident, on voit que la forêt a été recolonisée, mais par d'autres espèces, donc des feuillus et notamment des bouleaux. Mmh. Alors les bouleaux, pourquoi est-ce qu'ils ont pu revenir après l'accident ? En fait, ce sont des arbres qui ont un ADN beaucoup plus petit, beaucoup plus compacté, donc un noyau plus petit que le pin. Et de ce fait-là, il y a moins de probabilité finalement que la radioactivité aille endommager l'ADN parce qu'il est très compacté et il y a moins de volume d'ADN qui peut être traversé par un rayonnement ionisant. Et après, il y a d'autres espèces. Oui, allez-y, Il y a d'autres espèces qui sont très très résistantes. Donc, juste pour donner un exemple, Deinococcus radiodurans, c'est une bactérie en fait qui peut survivre à des quantités de radioactivité énormes, donc 12 000 grays. Donc, bon, ça parle peut-être moins, mais pour l'homme ou les organismes en général, à 10 grays, on est mort. Donc il y a 1000 ordres de grandeur, un facteur 1000 entre les deux. C'est plus résistant incontestablement. On trouve aussi dans les littératures des espèces animales qui arrivent à produire des molécules antioxydantes, donc qui permettent justement de réparer les dommages à l'ADN. Et j'ai lu par exemple que les mulots étaient particulièrement résistants dans ce sens-là. Est-ce que vous confirmez cette information, Christelle Adam-Guillermin ? Tout à fait. Il y a plusieurs études qui ont été faites à Tchernobyl qui montrent en fait que donc les mulots, les campagnols, des petits rongeurs en fait qui vivent dans les sols, qui font des terriers dans les sols et qui théoriquement devraient avoir des dommages assez importants puisque les sols, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, ce sont le réservoir de la radioactivité. On sait que la radioactivité se fixe dans les sols. Donc ces organismes, en principe, sont exposés à des débits de doses très élevés de radioactivité. Or, les nombreuses études qui ont été faites sur ces organismes montrent qu'ils survivent à ces doses-là. Et en analysant en fait leur ADN, leur sang, on voit que donc les auteurs ont vu qu'il y avait une production d'activité d'antioxydants qui était très élevée. Et récemment, une étude a été publiée aussi en 2017 qui montrait que la diversité génétique de ces organismes était très élevée. Donc la diversité génétique, en général, on considère qu'après un stress important, on va avoir une diminution de la diversité génétique puisque les organismes les plus radiosensibles vont mourir et on va avoir les organismes qui ont le génome le plus adapté qui vont survivre. Et donc on s'attendait à l'inverse, on s'attendait à une diversité génétique plus faible. Et là, ce qui a été montré chez les campagnols, c'est l'inverse. Alors nous, on a travaillé aussi sur Tchernobyl, sur une espèce de grenouille qui est la rainette. Mmh. Et les premiers résultats qu'on a obtenus avec un collègue de l'Université de Marseille montrent qu'on a la même tendance, donc une diversité génétique qui serait plus élevée aussi chez les grenouilles. Donc pour l'instant, on essaye de savoir d'où ça vient, si c'est de la migration d'individus de l'extérieur de la zone ou si c'est un taux de mutation plus élevé qui engendrerait une diversité génétique plus forte. Une sorte de darwinisme accéléré par l'exposition aux radiations, en quelque sorte, si on résume à grands traits. C'est un petit peu ça. Alors là, on parle surtout de ce qui est vraiment facteur génétique, mais il faut savoir qu'en parallèle de ces facteurs génétiques, il peut y avoir des facteurs qui favorisent l'adaptation des organismes. Donc on a parlé des antioxydants, mais il y a également tout ce qui est épigénétique. Donc c'est en fait des changements d'expression des gènes, mais qui ne sont pas dus à des mutations, et, par exemple la méthylation d'ADN. Mmh. Ces facteurs épigénétiques donnent une plasticité aux organismes qui leur permettent de s'adapter beaucoup plus rapidement que par le biais de mutations. Donc ce sont des choses qu'on a pu faire à Fukushima aussi sur la grenouille, donc la rainette verte, où on voit une augmentation de la méthylation d'ADN. Donc il y a à la fois des facteurs génétiques et des facteurs épigénétiques qui peuvent jouer. Eh bien, justement, pour voir concrètement comment on observe 32 ans après la catastrophe de Tchernobyl les modifications qu'ont subi la faune et la flore principalement, eh bien, nous sommes allés regarder des extraits, des petits morceaux d'arbres, de feuilles, de végétation. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé constater de près ce que ces radiations ont pu produire comme effet sur le couvert végétal notamment. Oui, 32 ans après, les plantes et la faune, plus généralement, ont gardé les séquelles des rayonnements radioactifs. J'ai retrouvé Anders Mollers, qui est chercheur à Paris Sud en écologie. Alors depuis 1991, il se rend régulièrement sur place pour mesurer les niveaux de contamination et évaluer les conséquences écologiques. Il a pu de cette manière observer des mutations graves sur des arbres, donc on parlait du pin, et sur des insectes. La question est de savoir si ces mutations vont se propager et se transmettre de génération en génération. Chose, un tronc d'origine de Tchernobyl. Et ici, on peut voir plusieurs choses différentes. C'est contaminé. Et ce qu'on peut voir ici, c'est la croissance des chaque bande ici, c'est la croissance pendant un an. Et donc, nous avons acheté cette tranche de tronc. C'est une section de quel arbre ici? C'est une section d'un pin. Et on peut faire le comptage du nombre des années. À travers les sillons, donc les cercles concentriques. C'est comme ça. Et donc ici, c'est le 1986. C'est clairement visible. Il y a un changement d'épaisseur des croissances annuelles. En fait, on voit qu'à partir de ce sillon-là, l'arbre change. C'est-à-dire qu'il continue à grandir, mais plus du tout de la même manière. Oui, exactement. Et donc c'est... Ici, il y a une croissance de 2 à 3 mm par an. Et après, ça fait un demi-millimètre ou un millimètre, quelque chose comme ça. Ça veut dire que l'arbre n'est pas très heureux. Mais on peut aussi voir plusieurs autres choses. Ici, sur la surface du tronc, il y a des taches noires. C'est les attaques des champignons microscopiques. Et c'est seulement dans cette partie, après 1986, qu'il y a les taches noires. Avant, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que la partie où il y a des taches noires, il y a une absence des défenses anti-champignons. Et avant, cette défense est très efficace. Avant, l'arbre était sain et on voit qu'après... L'accident nucléaire, l'arbre est malade. En fait, nous avons acheté ces tranches de pin. C'était un hiver que nous sommes sur le terrain. En quelle année? C'était en 2008. Et les forestiers étaient en train de couper le pin. Est-ce que ce constat, vous l'avez remarqué sur d'autres plantes, d'autres arbres ou même sur la faune locale? Et il y a des effets similaires chez beaucoup d'autres espèces des plantes. Ils ont une faible croissance dans les sites plus contaminés. Dans votre laboratoire, on peut voir aussi des schémas d'insectes, de gendarmes. Oui. On voit qu'il y a eu clairement des mutations, il y a des déformations. C'est un peu étonnant parce qu'il y a dans la radio, dans la télé, il y a souvent des présentations disant que c'est... très bien maintenant à Tchernobyl et aussi à Fukushima parce qu'il n'y a pas de signes des effets de radiation des isotopes sur la performance des êtres vivants. Et dans les sites plus contaminés, il y a peut-être 5 à 10 % des individus avec des anomalies. Est-ce qu'ils ont développé une forme de résistance biologiquement ? Nous avons essayé d'étudier cette question-là aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre ? Qu'est-ce qu'on peut observer s'il y a une telle résistance ? Si c'est le cas, on voudrait attendre une baisse des cas des anomalies dans la population. Alors ici, vous avez des photographies de gendarmes qui ont subi les conséquences de la contamination parce qu'ils ont des déformations. Oui, et ici, à Orsay, il y a peut-être une fréquence de 0,1% des individus avec des anomalies. À Tchernobyl, dans le site plus contaminé, ça peut arriver jusqu'à 30-40% des individus avec des anomalies. C'est très visible sur cette espèce-là parce que il n'y a pas des ailes. Ça veut dire que les individus restent où ils sont nés. Est-ce que ce sont des mutations qui vont se transmettre de génération en génération ? Oui. Nous avons fait les manips sur le terrain, mais aussi au laboratoire. Et au laboratoire, on peut prendre des individus sans des anomalies et puis utiliser une source de radiation. Et puis on peut regarder est-ce qu'il y a une augmentation des anomalies sur les mutations, mais aussi sur les mutations chez la descendance. Mais chez l'homme, il y a aussi des conséquences non négligeables. Et dans les petits villages autour de zone d'exclusion, la moitié des enfants dans l'école primaire et secondaire sont malades. C'est un taux de maladie. C'est étonnant de regarder les conditions en Ukraine, Biélorussie et Russie, où une grande partie des élèves, même dans le site, pas fortement contaminés, ont des problèmes de santé. Voilà le reportage du jour sur ce que l'on peut tirer comme enseignement 32 ans après l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl. Et on entend effectivement que certes la nature est résiliente, mais qu'elle n'est pas totalement résiliente et qu'il reste des conséquences parfois assez lourdes, hein, 30 à 40% d'anomalies. Ce qui est intéressant dans ce qu'on entend dans ce reportage, Olivier Evrard, Christelle Adam-Guillermin, c'est finalement la dose d'exposition à bas bruit, c'est-à-dire finalement une dose qui est en dehors de la zone dite d'exclusion, mais finalement une dose constante de soumission à des isotopes radioactifs et qui finit par avoir des conséquences relativement lourdes sur les écosystèmes, Olivier Evrard. Oui, je pense que d'ailleurs c'est ça qui était dans la tête des autorités quand ils ont décidé justement d'interdire le retour des populations dans la zone où on dépasse, alors c'est un seuil, il vaut toujours ce qu'il vaut, mais 20 millisieverts par an. Il faut rappeler que c'est le seuil maximum qui est toléré pour les gens qui travaillent dans l'industrie nucléaire. Tout à fait. Christelle Adam-Guillermin, votre réaction à ce que vous venez d'entendre à ce reportage ? Alors, pour revenir donc sur ce que disait Anders Müller par rapport au taux de malformation chez les organismes après les accidents, c'est vrai que c'est des choses qui ont été observées sur les pins, que ce soit à Tchernobyl ou à Fukushima. Donc je rappelle, les pins, c'est les armes, une espèce d'arme qui est assez radiosensible, où on voit en fait une diminution de la dominance apicale, c'est-à-dire de la croissance de l'axe central de l'arbre, et différentes malformations sur les aiguilles. Après, chez les organismes, alors à Fukushima, il y a des choses qui avaient été observées chez des papillons et des pucerons juste après l'accident, mais qui n'ont pas subsisté. Ils les ont observés pendant 1 à 2 ans, et au bout de ces 2 années, ils n'observaient plus de ces choses-là. Alors nous, on est allé donc étudier les grenouilles, des mésanges, et on n'a pas vu spécialement de malformations sur ces organismes, mais bon... C'est de l'éco-épidémiologie, donc c'est vrai qu'il faut voir un nombre très élevé d'organismes pour pouvoir déceler des malformations, puisque dans la nature, un organisme qui est mal formé, souvent, il est mangé par les autres, donc... Mais nous, on n'en a pas observé. Mmh. Mmh. Ouais. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, il y a une forte disparité en termes de radiosensibilité. On va faire une petite pause musicale et j'aimerais qu'on parle après, finalement, de ces nouveaux cycles, de ces cycles d'isotopes radioactifs, les cycles du césium, les cycles du strontium, qui, pour savoir justement à quel niveau et pendant combien de temps on continue à les retrouver et pendant combien de temps ils peuvent finalement avoir une influence sur les organismes vivants. On en parle dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. This girl I know needs some shelter. She don't believe anyone can help her. She's doing so much harm, doing so much damage. But you don't want to get involved. You tell her she can't manage. Now you can't change the way she feels. But you could put your arms around. Protection de Massive Attack sur France Culture à 16h, bientôt 40 minutes. Nous parlons des zones autour des centrales nucléaires qui ont connu un accident de niveau 7, hein, les deux seules de l'histoire de l'humanité, celle de Tchernobyl et celle de Fukushima. C'était les deux au cours d'un mois d'avril, l'une il y a 7 ans, l'autre il y a 32 ans. Nous parlons de ces, de la façon dont les écosystèmes se sont adaptés à ces accidents nucléaires très grave. Nous en parlons avec Olivier Evrard, qui est chercheur au commissariat à l'énergie atomique au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement dans l'équipe de géochimie des impacts, et avec Christelle Adam-Guillermin, qui est en duplex avec nous depuis Marseille et qui est chercheuse et responsable du laboratoire d'écotoxicologie des radionucléides à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Je voulais vous demander à l'un et à l'autre, justement, quels sont aujourd'hui ce que l'on sait de ces cycles, de ces isotopes radio actif type césium 137 ou strontium 90 qui rentrent finalement dans des cycles naturels, qui passent dans les végétaux, qui sont consommés par les animaux, qui sont donc ensuite rééjectés et réinclus. Est-ce qu'on sait à quel moment, enfin pendant combien de temps ces cycles peuvent s'établir, et surtout quel impact ils ont sur le vivant, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore, Christelle Adam-Guillermin? Alors, par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur les organismes, c'est justement les cycles de ces radionucléides dans le vivant. vont en fait gouverner la façon dont la dose va être absorbée par les organismes. Donc, de nombreuses études qui ont été faites sur Tchernobyl et Fukushima, en fait, vont mettre en évidence des effets. Il y a des études qui vont mettre en évidence des effets, mais la dose à laquelle ils se réfèrent, la plupart du temps, c'est simplement la dose ambiante externe mesurée au niveau du sol, avec un radiomètre portatif. Or, on sait que les organismes vont être exposés à une dose qui peut être très différente de cette dose ambiante externe. Et en fonction du cycle de vie des organismes, ça va changer. Donc, par exemple, des oisillons qui passent leur temps un mois avant l'envol dans un nid, vont être exposés à une dose externe si ce nid est fait à base de mousse, par exemple, ou des grenouilles qui passent leur temps dans le sédiment vont aussi avoir une dose interne qui peut être élevée. Et au final, on se rend compte que la dose absorbée par ces organismes va être souvent bien supérieure à la dose qu'on a simplement mesurée au niveau du sol et qu'elle va être différente d'un organisme à l'autre en fonction de l'espèce et aussi en fonction de son domaine vital, si il peut être exposé à une hétérogénéité de la contamination qui est très différente. Olivier Evrard, j'ai lu, alors je parle évidemment sous votre contrôle, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est une fausse information, qu'il était vraisemblable qu'on trouve encore des traces de radioactivité dans la zone d'exclusion de Tchernobyl dans plus de 200 000 ans, c'est vrai ça? Alors ça dépend de quel isotope on parle. Alors effectivement, si on a certains isotopes du plutonium qui ont des demi-vies très longues, on part du principe qu'on peut en observer jusqu'à 10 demi-vies. Donc on peut retrouver effectivement des substances. Assez longtemps dans l'environnement. Après, ce qu'il y a, c'est que ça va se déplacer aussi dans l'environnement. Donc, par exemple, le césium va se fixer aux particules de sol. Et on sait, par exemple, le Japon peut être affecté par de nombreux typhons en été. Et donc, ces typhons vont éroder les sols et peuvent exporter ces particules contaminées vers les rivières et, in fine, vers l'océan Pacifique. Et donc, ce qu'on a vu au Japon, c'est que ça va énormément redistribuer la radioactivité. Et en quelques années, on a des niveaux au niveau des sols cultivés qui ont baissé, de l'ordre de 90%. Sols cultivés. Mais la contrepartie de ça, et c'est quelque chose qu'on a pu faire et sur lequel vous avez travaillé d'ailleurs sur le projet Amorad, c'est-à-dire une distribution des particules radioactives dans l'atmosphère et en milieu océanique, on a pu l'observer de façon beaucoup plus précise que ça n'a été le cas pour la catastrophe de Tchernobyl. Oui, alors ce qui se passe, c'est que là, dès le départ, les chercheurs japonais et puis leurs collègues étrangers ont été directement impliqués dans le suivi environnemental de ces substances et dans tous les compartiments. Compartiment atmosphérique, bien sûr, en premier lieu, et puis le compartiment terrestre et fluvial, et in fine, le compartiment océanique. On sait, on dit que le milieu océanique est très dispersif. On a d'ailleurs vu passer quelques cartes et circuler des cartes en voyant qu'il y avait des isotopes qu'on retrouvait sur la côte pacifique des États-Unis très peu de temps après la catastrophe. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée précise non seulement évidemment de la dispersion de ces radionucléides, mais surtout de leur impact et de leur dilution dans un milieu océanique aussi vaste que l'océan Pacifique Nord? Alors la dispersion était extrêmement rapide, hein. Non, en partie parce qu'il y a des événements météo extrêmes au Japon, comme les typhons, et puis aussi parce que il y a eu les travaux de décontamination qui, au niveau des terres cultivées, ont abaissé fortement les niveaux, c'était leur but. Et puis au niveau au large des côtes du Japon, on a un courant marin qui s'appelle le Kuroshio, qui est extrêmement puissant et qui a donc dispersé effectivement cette radioactivité vers les côtes nord-américaines, où on peut donc toujours les détecter. Mais par contre, on se retrouve vraiment dans des niveaux très faibles où finalement, il faut, par exemple, faire la distinction entre le césium, si on s'intéresse au césium, émis par l'accident de Fukushima, par opposition au césium qui était émis dans le monde entier par les essais nucléaires atmosphériques des années 60 et qu'on détecte toujours dans l'environnement. Qui sont du césium 137 aussi. Donc il y a eu du 134, du 137, mais comme les essais qui ont eu un pic en 1963 commencent à être relativement anciens, le césium 134 a totalement décru. Et donc on connaît les rapports d'émission des deux isotopes au départ, et donc si on retrouve du 134 aujourd'hui, on peut émettre sans aucun doute le fait que c'est bien du césium de Fukushima. et non pas du césium rémanent des essais nucléaires des années 60. La question, évidemment, qui se pose, que l'on a abordée en partie dans la première partie de cette émission, c'est la question justement de l'influence de ces radionucléides et de ces isotopes-là à très faible dose. Christelle Adam-Guillermin, aujourd'hui, on a aussi un retour d'expérience, comme vient de l'évoquer Olivier Hérard, notamment des essais, on pense de Bikini ou de Mururoa, et de la dispersion de ces isotopes radioactifs dans l'atmosphère, où on sait à quelle dose ils peuvent devenir toxiques ou mutagènes pour les organismes vivants. Alors, y a très peu d'études qui ont été faites sur l'impact des tirs aériens. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas, et non plus des tirs qui ont été faits à Mururoa. En revanche, il y a quelques études qui ont pu être faites en laboratoire sur les effets des faibles doses. Donc ça, ce sont des choses qu'on étudie parce qu'on a un irradiateur. Donc on peut irradier en fait des organismes sur des temps beaucoup plus longs. Et parce que là, en fait, après Tchernobyl, comme on est 30 ans après l'accident, effectivement, il y a beaucoup de générations qui ont été exposées, même si ce sont des faibles doses. Ils ont été exposés pendant longtemps. Donc, en fait, ce sont des choses qu'on peut étudier au laboratoire sur les effets transgénérationnels des faibles doses. Donc, on s'intéresse aux transmissions, par exemple, des dommages à l'ADN au travers des cellules germinales, ou aux transmissions de facteurs épigénétiques qui peuvent être de la méthylation d'ADN. Et là-dessus, on a quelques surprises. Il me semble que parmi les études dont certaines que vous avez conduites, auxquelles vous avez collaboré, on trouve parfois une inversion de tendance à la troisième génération. C'est-à-dire que les effets mutagènes sur l'ADN deviennent plus forts après la troisième génération, si je comprends bien. Alors, on a fait différentes études, donc des études où on a donc irradié les organismes, donc ce sont des crustacés aquatiques. On les a irradiés en continu pendant 3 générations, et donc on s'aperçoit en fait qu'au fil des générations, on a une augmentation des effets, donc plus d'effets sur la reproduction et plus d'effets sur les dommages à l'ADN. Et c'est dû en fait dû à la transmission de dommages à l'ADN au fil des générations à travers les œufs qui sont pondus. Et on a fait une autre étude également sur ces mêmes organismes. Donc un chercheur du laboratoire, Frédéric Alonso, qui travaille là-dessus, a donc étudié l'irradiation de la première génération parentale, et ensuite a laissé les organismes pendant 3 générations successives sans irradiation. Et on s'aperçoit qu'en fait, à la 3e génération, on retrouve encore une trace de l'irradiation des parents, alors que finalement, ces organismes n'ont jamais vu un seul becquerel, en termes de méthylation d'ADN. Donc il y a certains gènes qui sont méthylés et qui sont transmis au fil des générations, donc notamment sur une protéine qui est HSP70, qui est une protéine qui joue un rôle important dans la stabilité des protéines et dans l'adaptation donc des organismes. Donc il y a une trace qui subsiste qui pourrait être due à une adaptation du génome des organismes à l'irradiation. Qu'est-ce que faut-il penser aujourd'hui, puisqu'on parlait tout à l'heure des cycles du césium. Alors je parle sous votre contrôle que le césium prend la place du potassium, c'est ça, et le strontium prend la place du calcium dans l'organisme, Olivier Hérard, c'est cela? Oui, c'est des analogues effectivement du potassium, du calcium. Et donc du coup, quels sont les effets biologiques, puisque le calcium, ça veut dire que ça se fixe dans les os, dans les dents? Oui, c'est ça. Alors après, donc on a la décroissance radioactive qui peut expliquer la baisse de cette substance, et puis il y a l'excrétion biologique. Alors, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais on part du principe que le césium, sa demi-vie biologique, celle-là, donc avant qu'elle soit excrétée de l'organisme, c'est de l'ordre de 3 mois. Après, tout dépend de la forme aussi dans laquelle on trouve ce césium. Donc, est-ce qu'on a inhalé des particules contaminées? Et puis, il y a pas mal de polémiques au Japon pour le moment aussi sur la présence de microbilles de verre enfermant du césium, qui serait donc moins, comme ça ne se dissout pas dans l'eau, ça serait plus davantage pérenne dans les organismes, ça poserait potentiellement plus de problèmes. Et donc il reste énormément de recherches, même si les niveaux de césium typiquement ont beaucoup baissé, sur la forme sur laquelle on la retrouve dans l'environnement, et pour caresser tout ça. Et puis toutes les zones qui n'ont pas été décontaminées, elles, le sujet reste entier, notamment en forêt, où on sait qu'il y a beaucoup de recyclage des substances radioactives. Un mot, Christelle Adam-Guillermin, justement sur la façon dont le césium et le strontium remplacent le potassium et le calcium et justement finissent du coup par avoir des effets d'irradiation sur les tissus alentours. Alors effectivement, ce sont des analogues d'autres éléments chimiques, donc ils suivent les mêmes voies. Ah, et bien... Pouvoir jouer sur... Oui. Oui, oui, non, c'est juste qu'on a eu une petite rupture de faisceau, mais ça y est, on vous a récupéré, donc il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui, donc ça va pouvoir jouer... Enfin, il y a deux facteurs, donc ça va pouvoir jouer sur la répartition de ces éléments dans l'organisme, donc... Le strontium qui suit le calcium va se retrouver plutôt dans les tissus osseux, alors que le césium qui suit le potassium va être réparti de façon un peu plus homogène dans l'organisme. Donc on peut s'attendre à des effets un peu différents du fait de cette répartition. Et ça engendre aussi autre chose, c'est que en fonction des niveaux de potassium ou de calcium dans les milieux, donc dans l'eau par exemple, on va avoir un transfert plus ou moins important de ces éléments. Donc voilà, ça complexifie un petit peu la comparaison des transferts ou des effets induits, puisque en fonction des concentrations de compétiteurs, la dose absorbée va pouvoir changer. Ça fait partie des facteurs confondants, quoi. Olivier Evrard parlait de quelque chose d'important parce que, bon, alors, autant on a entendu et on l'a dit tout à l'heure, pour Tchernobyl, finalement, l'essentiel du travail de décontamination, ça a été de ne rien faire et de ne toucher à rien en attendant que ça passe, grosso modo, hein, je résume un peu à grands traits. En revanche, effectivement, il y a eu un gros travail de décontamination d'une couche de terre de 5 cm dans les zones les plus éloignées de l'explosion, de l'accident, parce que ça, j'ai pas d'une explosion, de l'accident nucléaire, enfin, pas une fusion du réacteur, bref. Que se passe-t-il en forêt, puisque la forêt est un endroit quasiment impossible à décontaminer? Comment se passe? Est-ce que ça veut dire que ces éléments et ces isotopes radioactifs restent plus longtemps? Est-ce que ça veut dire qu'on trouve des mutations à plus grande échelle pendant une plus longue échelle de temps, puisque là aussi il y a le cycle de l'eau, et puis la forêt quasiment est effectivement un endroit très complexe à décontaminer, Olivier Evrard? Alors, ce qui est sûr, c'est que on a eu un transfert rapide de la canopée ou du tronc jusque ça a traversé la litière et puis ça va se fixer vraiment au niveau des parties minérales du sol. Et de là, une fois que c'est fixé au niveau de la partie minérale, ça peut il peut y avoir un cycle où ça peut repartir via les racines dans l'arbre. On peut imaginer qu'il y a de l'érosion aussi, notamment ça a été montré par des collègues japonais au niveau des pistes forestières dans les zones encore exploitées. Alors c'est pas directement à côté de la centrale, ou des pistes abandonnées, où là on peut avoir érosion préférentielle export vers l'aval, vers les rivières. Sur les aspects mutations, je pense que Christelle sera plus à même de répondre. Christelle Adam-Guillermin. Donc effectivement, ça fait partie des facteurs qui peuvent jouer sur la sensibilité des organismes, puisque ceux qui vivront en forêt seront potentiellement exposés à des doses plus élevées, puisque effectivement les litières de feuilles qui tombent au sol vont engendrer des contaminations importantes. Mais toujours pareil, il y a certains facteurs qui protègent des espèces plus que d'autres. Donc les petits rongeurs qu'on trouve dans les sols en forêt... la plupart d'entre eux arrivent quand même à faire avec cette contamination importante. Mais par contre, c'est vrai que c'est important aussi pour un facteur qui est quand même crucial pour les écosystèmes, c'est tout ce qui est le cycle de la matière organique, puisque justement la décomposition des litières de feuilles va pouvoir amener de la matière organique qui va servir à la nutrition de tous les organismes, depuis la boucle microbienne jusqu'aux différents invertébrés. Donc là, toujours pareil, il y a des études qui ont été faites là-dessus en utilisant des litières de feuilles pour voir dans quelle mesure cette contamination des feuilles était toxique en fait pour la décomposition de la matière organique. Et là encore, les deux études qui existent sont contradictoires. Oui, c'est très curieux. Qui montrent que ça décompose moins bien. Et nous, on a travaillé là-dessus et on voit que ça fonctionne mieux. Donc, c'est délicat. C'est vraiment une science complexe parce qu'on est longtemps après l'accident et ça demande beaucoup de science en fait. Parce que de la géochimie, de la chimie, de la biologie. Les deux études dont vous parlez, elles ont toutes les deux été faites sur des litières issues de Tchernobyl. Oui, tout à fait. Alors, c'était pas forcément, enfin, c'était pas les mêmes espèces d'arbres, mais pas toujours les mêmes endroits qui étaient analysés, mais c'est vrai que les deux conclusions étaient différentes. Donc, bon, ça fait partie. Il doit y avoir des facteurs confondants qu'on a du mal à analyser. Bon, après, il y a l'histoire de la dose aussi qui a été mesurée plus ou moins finement en fonction des études. Quelqu'un a, pardon. On a effectivement ces deux études dont l'une qui laisse entendre finalement que l'irradiation a tué une grande partie des micro-organismes qui initient et qui participent à la décomposition du couvert de la litière et du couvert forestier, alors que finalement, du coup, ce qui expliquerait le fait que la litière se maintienne, alors que de l'autre côté, comment est-ce qu'on explique le fait que dans l'autre étude, celle que vous avez produite, Christelle Adonguillamin, cette litière se décompose plus rapidement que ce qu'elle ne le fait en milieu non irradié? Alors donc un collègue de mon équipe, Jean-Marc Bonshomme, a publié, une des hypothèses, ce serait que les organismes, donc c'était quand même presque 30 ans après l'accident, c'est que les organismes qui restaient après l'accident étaient ceux qui étaient les plus résistants, et donc de ce fait-là avaient une activité, une vitalité meilleure que des espèces plus sensibles qui seraient mortes juste après l'accident. Donc dans la zone irradiée, les espèces qui seraient présentes seraient plus actives, quoi, plus résistantes. Mais ce sont des choses qui restent encore à confirmer. On arrive vers la fin, dans les dernières minutes de cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure, deux stratégies, enfin vous l'avez dit, on l'a parlé tout à l'heure, deux stratégies différentes entre Tchernobyl et Fukushima. Tchernobyl, donc, qui va devenir une sorte de parc qui suscite, il faut le savoir, une forme de tourisme. On peut aller visiter la zone de Tchernobyl, la zone condamnée, la ville de Pripyat qui a été abandonnée et qui tient encore. Il y a des photos qui sont d'ailleurs assez magnifiques. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller s'exposer. Je ne sais pas si on est d'ailleurs. Est-ce qu'on est encore exposé si on va faire un tour à Pripyat, Olivier Evrard, aujourd'hui? On est toujours exposé où qu'on aille, mais par contre, évidemment, à des niveaux différents. Après, par exemple, à Fukushima, puisque moi j'ai plus d'expérience à Fukushima, toute la radioactivité qui s'est déposée sur les routes, elle a été lessivée très rapidement. Et donc, on va être irradié que quand on est dans les champs, dans la rivière, en forêt. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Fukushima, avec les travaux de décontamination, normalement c'est une zone qui va pouvoir être réinvestie, réhabitée petit à petit sans aucune forme de danger? On entendait tout à l'heure dans le reportage, on dire que bien même les écoles, les enfants qui sont évidemment plus sensibles, qui habitent en dehors de la zone d'exclusion de Tchernobyl, présentent un taux de mutation, un taux de cancer plus élevé et largement plus élevé que celui des moyennes nationales en Russie. Alors, je pense que les retombées, les niveaux de retombées, les niveaux d'irradiation sont très différents dans les deux cas. L'hétérogénéité spatiale est différente, va aussi être marquée de manière différente dans les deux cas. Ce qui est sûr, c'est que là, les zones les plus évidentes à décontaminer, les rizières, dans les rivières, ça a beaucoup baissé également. Beaucoup a été fait. La question qui va se poser après, c'est dans les forêts, par exemple, qui n'ont pas été décontaminées, si je vais me balader en forêt le week-end, quelle dose je vais prendre quand je fais telle ou telle activité. Ça devient un peu compliqué à gérer au quotidien. Et donc, il y en a qui parlent de faire des suivis dosimétriques aussi, et que les populations s'approprient les moyens de mesure pour faire totalement confiance aux mesures en les gérant elles-mêmes. Après, c'est pas évident de gérer ça au quotidien. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier Evrard. Merci Christelle Adonguillamin d'être venue nous parler de ces zones. 32 ans et 7 ans après les accidents de Fukushima et de Tchernobyl, et de la vie dans ces zones naturelles qui ont été largement irradiées. Merci également à nos camarades du studio de Radio France à Marseille pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Sarah Ijmans, Noémie Guette Saint-Villefranc, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère-Fondani à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, c'est le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine, En séance, étape d'une psychanalyse par Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Tout à l'heure à 18h20, du grain à moudre, les manifs sont-elles trop policées, demandera Hervé Gardette à ses invités. Pour ce qui nous concerne, et bien demain, nous parlerons d'une source d'énergie qui, lorsqu'elle est suffisamment canalisée, peut déchirer le vide. Et oui, nous parlerons des progrès techniques en matière de laser. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.